Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur French Pod. Je m'appelle Amaury. And America, and this is an intermediate lesson about a pretty exciting subject. Un grand événement sportif en France. Le Tour de France. Wow. We wait all year for this exciting event. And if you've always wished that you could bike in the Tour de France, here's your big chance. You're going to be able to vicariously experience it in this dialogue. Ouais, vous allez vivre une situation un peu atypique, mais qui peut survenir quand on fait du vélo. Okay, you got two bikers. They're approaching the end. Mm-hmm. And... Le plus dur est fait, mais... Alors, on écoute le dialogue ensemble. Bon sang, je n'y arriverai jamais. Elle est trop longue, cette étape. Courage, il n'y a plus que 10 km. Oui, mais en montagne, ça veut dire plus d'une heure. Je n'en peux plus. Tu ne vas pas abandonner. Pense à tous les efforts que tu as déjà fournis pour être ici. Justement, ça me déprime, c'est trop. Écoute, j'ai vécu la même situation que toi l'année dernière, après avoir fait une chute. Et alors, tu as continué? Oui, jusqu'au bout. Oh, ok. Je vais tout donner, ça va aller. Attention, devant toi, le clou. Oh. Oh, cette fois, j'arrête. Oh, at the end. Moi, je ne pourrais pas le faire. He was already kind of getting discouraged, right? What did he say? Bon sang. Bon sang. A lot of complex nasal vowels in there. Et sang is blood. So ouais. It's like literally good blood. Mm-hmm. We translated it as cheese o' Pete's. Man. Bon sang. Bon sang, ça ne va pas. Why is he saying this? Bon sang, je n'y arriverai jamais. There's a double sense to this phrase, right? Because the literal one is I will never arrive there, here, the end of the Tour de France. Voilà. The finish line. En tout cas, la fin de l'étape ici, ouais. Also, you have arriver à, mm-hmm. right? Which means to be able to. Voilà. So we would have the why because arriver à faire, y arriver. So, je n'y arriverai jamais. Et on a là les deux sens, donc. No matter what, though, he's not going to be able to do it. He's never going to get there. Ouais, he said them both in the same sentence. Why is he feeling that now at this point? Parce que l'étape est trop longue. It is too long, this step. Elle est trop longue, cette étape. Et voilà, il insiste bien sur le fait que c'est trop dur. C'est comme on dit, il est très populaire, le Tour de France. Et il est très difficile, le Tour de France. Mais oui, aussi. I guess unless you're a professional biker. Ouais, même pour eux, je crois. Then you might say, il n'est pas trop difficile, le Tour de France, right? But probably at this stage, at cette étape, ouais. Everyone's starting to think that now. But except for his friend, his fellow biker, ouais. Like giving him some encouragement. Come on, courage! Allez, il n'y a plus que 10 kilomètres. So the ne plus que structure is what you use when you want to say there's only this much left. Let's give us some more examples. Alors, il n'y a plus que 10 œufs dans le frigo. Okay, so that's a lot. 10, there's still 10 eggs in the refrigerator. Ouais, mais moi j'en mange beaucoup. What are you making, omelets for army or something? Okay, what's another one? Par exemple, il n'y a plus que 3 personnes dans la salle. Okay, it must have been a bad movie. Il n'y a plus que 3 people left, right? Voilà, tout le monde est parti. Did that convince him to stick with it and stop complaining? Oui, mais... Et il souligne qu'ils sont en montagne. Donc, 10 kilomètres, ça veut dire plus d'une heure. Yeah, because en montagne, it's gonna be a little bit harder. Exactement, and imagine. Going up and down, so ça veut dire plus d'une heure. Mm-hmm. More than an hour. Exactement. So then he says this expression that I think is really funny in French. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. I can't anymore. And this can be used here, like, I just can't do it anymore, but, oh, je n'en peux plus, can't take it anymore. Voilà. All of this. Nonsense. Je n'en peux plus. Dès que, voilà, c'est trop dur. But here he can't take any more biking. Plus d'une heure. En montagne. He's lucky to be next to this guy. Bah oui, c'est son ami, on dirait aussi. Yeah, he's really encouraging, he says, but no. Eh oui, il lui dit de ne pas abandonner. Abandonner, here, means to give up. Voilà, exactement. You don't have to follow by anything, just abandonner. Voilà. And he gives him like a mantra to think about. He says, pense à what? Tous les efforts que tu as déjà fournis pour être ici. Okay, so the expression is fournir un effort, right? Ouais. Mm-hmm. It means to literally just apply an effort. It's really just everything you put into it. Ben voilà, oui. Pour être ici. Ben oui, on imagine tous les sacrifices, les durs exercices qu'il a fait. Tous les efforts. Justement. That's what he said. But then he wasn't convinced. He's like, yeah, but psh. Ça le déprime. That's what depresses me. Because c'est trop. Ben oui. It's too much. So déprimé means too depressed, but it also is the adjective depressed. Oui. It's just spelled differently, but it's pronounced the same. Oui. Ça me déprime. Ah, les efforts. Ça le déprime, right? C'est ça. But he's got a real motivational speaker next to him who should be making tapes and audiobooks to keep people on track. What does he say? Il a un exemple à donner parce qu'il a vécu la même situation l'année dernière. Il a vécu la même situation que lui. Ouais. He lived the same situation. So the expression is vivre une situation, right? Ouais. Par exemple, on pourrait dire ces temps-ci, je vis une situation difficile. I had a bad time, I had a bad situation. Ouais. A bad experience. Voilà, ça ne va pas fort. And this is also you can say when you want to identify, hey, I live, you know, I experience the same thing as you. J'ai vécu la même situation que toi. Okay, do most people who are in the Tour de France do it every single year? Oui. Oh, okay. Ils essayent. Il a vécu enough situations to find one where he's, ouais. Il a vécu la même situation. And so what happens? Il a fait une chute. Faire une chute is not good, il fall. Et lui aussi, il voulait abandonner. At that time. Voilà. But then his friend asked him... Tu as continué? Wow, continuer. This context here is the opposite of abandonner, right? Exactement. A person can either abandonner the situation or continuer. Voilà. And lui, il a continué. Et oui, il a encore fourni un effort et il a continué jusqu'au bout. Until the very bitter end. Magnifique. Jusqu'au bout. Ouais. And that story was pretty inspiring, I guess, because the guy had a new determination. He said, okay. Il change d'avis et il dit, je vais tout donner. I will give my all. Tout donner. Voilà, donc il se motive. Mm-hmm. Ça va aller. And it's so sad because he finally... He found it and then... Attention! Là, devant toi, le clou! Okay, so a clou is a nail. Ouais. So why does he say le clou and not he says the nail? Parce que ce n'est pas n'importe quel clou, c'est le clou qui est là, devant toi. Okay, right there in front of you. Devant toi, le clou, the nail, right there. Cette fois, j'arrête. Sad. Ben ouais, mais bon. Donc on va réécouter cette histoire avec le dialogue qui arrive. Bon sang, je n'y arriverai jamais. Elle est trop longue, cette étape. Courage, il n'y a plus que 10 kilomètres. Oui, mais en montagne, ça veut dire plus d'une heure. Je n'en peux plus. Tu ne vas pas abandonner. Pense à tous les efforts que tu as déjà fournis pour être ici. Justement, ça me déprime, c'est trop. Écoute, j'ai vécu la même situation que toi l'année dernière... Après avoir fait une chute. Et alors, tu as continué? Oui, jusqu'au bout. Oh, ok. Je vais tout donner, ça va aller. Attention, devant toi, le clou. Oh, cette fois j'arrête. Et nous revoilà, prêts à fournir un effort. Right, now let's talk about the Tour de France. Donc, c'est un événement qui arrive quand même chaque année. Uh-huh. Ça fait environ 100 ans 100 years. Que ça se déroule en France. Very old tradition, huh? Mm-hmm. C'est un long tour qui fait environ 3500 kilomètres. 3500 kilomètres on a bike. Voilà, environ. Those guys aren't kidding around. C'est très long. So how long does it take? Environ 25 jours. Okay. Do they go all over France, every single place? How does it work? La route change chaque année. Oh, okay, so it's not always the same... Pas du tout, non. ...route, it's always different. Exactement. That's good, because it would get boring, probably. After 100 years. Et ils ne pourraient pas aller dans toutes les régions, comme ça ils changent et ils vont un peu partout, oh, okay. Mais sur plusieurs années. All right, so the regions are different every time. Voilà, et parfois même, ça commence dans d'autres pays. Okay, like which countries? So it goes outside of France for voilà, a couple steps, a couple étapes. Voilà. en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, en Italie, enfin les pays qui sont proches de la France. At the end of chaque étape, ouais. They stop. Exactement. And they sleep there. Because it's like, how many days? What did you say? 25, 26 days? Oui, c'est ça. Et alors, ils sont heureux, c'est d'arriver à Paris. Parce que par contre, ça arrive tout le temps à Paris, sur les Champs-Élysées. The finish line is always in Paris, even the route changes. Voilà, la dernière étape. Champs-Élysées. Toujours à Paris. Et donc, comme c'est international, peut-être tout le monde aura l'occasion de regarder. Yeah. Mm-hmm. Pour nous, maintenant, la leçon est terminée. Vous dire de vous conseiller de nous rejoindre sur FrenchPod. The website is FrenchPod.com. Mm-hmm. You can come there, ask us questions. There's exercises, audio files, lots of stuff. Voilà. Bon sang, c'est la fin. Bon sang. Oh, well, we'll talk to you tomorrow. À bientôt. Au revoir.